les baisers. Ah, sur la table de chevet. Ah, reviens demain te poser. Reviens demain si tu peux. Par scène sur mon cap. Ah, des boutons de soleil. Ah, suffisamment qu'à ton absence il fasse un peu jour dans mon corps. Car le soleil, les baisers, c'est fini. T'es parti, l'univers est devenu si petit. T'es parti, t'es parti, t'es parti. T'es parti, t'es parti, t'es parti.